Le dîner acheva de me faire perdre la tête. J'étais à côté d'elle, et ma main sans cesse rencontrait sa main sous la nappe. Mon pied pressait son pied. Nos regards se joignaient, se mêlaient. On fit ensuite un tour au clair de lune, et je le murmurai dans l'âme toutes les tendresses qui me montaient du cœur. Je la tenais serrée contre moi, l'embrassant à tout moment, mouillant mes lèvres aux siennes. Devant nous, l'oncle et Rivet discutaient. Leurs ombres les suivaient gravement sur le sable des chemins. On rentra. Et bientôt, l'employé du télégraphe apporta une dépêche de la tante annonçant qu'elle ne reviendrait que le lendemain matin, à 7 heures, par le premier train. L'oncle dit « Eh bien, Henriette, va montrer leur chambre à ces messieurs. » On serra la main du bonhomme et on monta. Elle nous conduisit d'abord dans l'appartement de Rivet et il me souffla dans l'oreille. « Pas de danger, qu'elle nous ait menés chez toi d'abord. » Puis, elle me guida vers mon lit. Dès qu'elle fut seule avec moi, je la saisis de nouveau dans mes bras, tâchant d'affoler sa raison et de culbuter sa résistance. Mais, quand elle se sentit tout près de défaillir, elle s'enfuit. Je me glissai entre mes draps, très contrarié, très agité et très penaud, sachant bien que je ne dormirais guère, cherchant quelle maladresse j'avais pu commettre, quand on heurta doucement ma porte. Je demandai « Qui est là ?» Une voix légère répondit « Moi ?» Je me vêtis à la hâte. J'ouvris, elle entra. « J'ai oublié, dit-elle, de vous demander ce que vous prenez le matin. Du chocolat, du thé ou du café ?» Je l'avais enlacée impétueusement, la dévorante caresse, bégayant. « Je prends. » Mais elle me glissa entre les bras, souffla ma lumière et disparut. Je restai seul, furieux, dans l'obscurité, cherchant des allumettes, n'en trouvant pas. J'en découvris enfin et je sortis dans le corridor, à moitié fou, mon bougeoir à la main. Qu'allais-je faire? Je ne raisonnais plus. Je voulais la trouver. Je la voulais. Et je fis quelques pas, sans réfléchir à rien. Puis, je pensai brusquement. Mais, si j'entre chez l'oncle, que dirais-je? Et je demeurai immobile, le cerveau vide, le cœur battant. Au bout de plusieurs secondes, la réponse me vint. Parbleu, je dirais que je cherchais la chambre de Rivet pour lui parler d'une chose urgente.